Ici, c'est Thomas Munier, je suis avec Sparfel. Salut Sparfel. Salut Thomas. Et donc, on fait un petit truc sur le pouce là pour parler d'un atelier Play to Lift auquel tu as participé, c'est ça? Ouais, c'est ça, bah, c'était sur le Discord du bon MJ, donc de Hugo. Ok. Alors, le principe, c'était qu'on faisait une série de petits ateliers. Alors, je me souviens plus de tous les participants. Peut-être En t'expliques gros. des fois vite fait c'est quoi le Play to Lift? Ah oui, bah oui. Alors le play to lift, c'est une, bah, tu me corriges hein, parce que tu as plus de connaissances que moi à ce niveau-là, mais c'est une pratique qui est apparue à ma connaissance dans le GN et qui dérive Ah bah il d'un y a jeu un de mots. article sur Nordic LARP qui Hein. s'appelle Ouais, Play to Lift, qui a été qui est traduit plutôt. sur Places to Go, People to Be d'ailleurs. Et qui part d'un jeu de mots, hein, play to win, donc un jeu de mots avec pay to win en anglais. Et donc le play to win, ça serait une version un peu par défaut pour jouer, consistant en le fait de simplement jouer pour la réussite de son personnage. Sa réussite, son amélioration en C'est un termes peu de jeu. le mode par défaut, C'est ça. je En tout dirais. cas, c'est un réflexe, une série de symptômes. Après, bon, on peut débattre de si les gens font vraiment du play to win tout le temps. Mais bon, Oh non, non, c'est. mais je Mais pense pas. tu vois, à Mais la rigueur, je pense qu'il y a une pratique qui est un peu l'inverse du play to win qui est très ancienne, c'est le play to lose. ouais. Et ça fait. Moi, j'en ai vu depuis longtemps, quoi. C'est vraiment ancien. Même si on n'appelait pas ça comme ça, c'était pas forcément extrêmement conscientisé et tout. Mais il y avait beaucoup ça dans les jeux d'horreur, notamment, quoi. Des gens Ouais. qui se prêtaient vraiment de bon gré à ce que leur personnage Oui. morfle et tout. Mais le play to lift, ça, par contre, je pense quand même que c'est plus récent et ces choses, c'est différent du play to lose. En plus de ça, dans les jeux d'horreur, il y a la notion aussi du fait que la notion de win, enfin la notion de gagner n'est pas forcément la même, puisque c'est pas forcément la survie et l'amélioration du personnage qui va jouer, mais aussi peut-être la découverte de certains secrets ou des choses comme ça. Et donc le pay to lift, Ouais. ça veut Donc dire. le play to lose est donc c'est accepter l'échec de son personnage et le play to lift c'est accepter d'encourager les personnages des autres. Ça se traduit de plusieurs façons et ça se recoupe beaucoup avec cette notion de play to lose. Le cas typique, j'ai envie de dire, ça va être le cas typique, le cas archétypal, ce serait, je dirais, un barde qui va mettre le guerrier du groupe en avant, en vantant ses mérites et en lui donnant du jeu. Alors après, là, c'est un cas où c'est le personnage qui est mis en avant, ça peut être le joueur qui est mis en avant, en provoquant volontairement des situations qui vont l'encourager à jouer, et ça peut être aussi tout ce qui est de l'ordre de jouer par exemple s'il y a deux personnages qui ont un rapport social entre eux, bah, jouer explicitement ce rapport social, même si c'est au désavantage de son personnage. Ouais, Et jouer évidemment, ça peut. notamment le personnage qui doit obéir, quoi. Ouais. Ouais. Voilà. Mais c'est intéressant que tu précises que ça peut être aussi effectivement HRP, ce truc de. J'y voyais pas ça forcément, mais c'est intéressant d'en parler. Ce truc d'encourager en méta, en fait, les autres joueurs, quoi. Ouais, bah Qui est une très bonne attitude, hein, pour le coup. Et qui a aussi le mérite d'être. Comment dire, je trouve moins équivoque. Parce qu'en fait, des fois, moi, ce que j'ai vu, en fait, il peut y avoir des pratiques de play to lift qui, en fait, sont un peu toxiques par manque de calibration. C'est-à-dire que, par exemple, le fait de jouer l'antagoniste, surtout en GN, notamment en GN sans orga, où il n'y a pas de PNJ qui joue les rôles d'antagoniste, le fait, en GN sans orga, le fait de jouer l'antagoniste de quelqu'un d'autre, c'est une forme de play to lift, dans le sens où je le fais pour mettre en valeur ton personnage et pour te donner du jeu, tu vois, je le fais pas parce que je veux gagner sur toi ou t'embêter. Mais la personne, elle peut quand même mal le prendre, parce s'il n'y a pas eu calibration préalable, si on ne s'est pas expliqué, pourquoi tu me bolosses et tout. Et si voilà, si on comprend pas que c'est pour t'offrir du jeu, ou si c'est mal fait, enfin bref. Et donc ça, c'est une forme de play to lift qui peut être un peu toxique. Ouais, totalement. Et je pense que de toute façon, le play to lift, il est remarquable. Je dirais pas forcément bon, mais il est remarquable, surtout quand c'est au désavantage de son personnage, et pas quand... Enfin, techniquement, si je joue un seigneur et que tu joues un majordome, oui, je peux jouer autant de fois que je veux le seigneur. Effectivement, ça va mettre en scène la relation de... Comment? De pyramidale entre les deux, quoi. Enfin, la Oui, hiérarchisation donc entre les en deux. fait, donner des ordres Mais au bon... majordome pourrait être une forme de play to lift, dans le sens où ça sert ton expérience de jouer le ma de ça sert l'expérience du majordome. Mais oui, je vois bien ce que tu veux dire, dans le sens Ça où. va pas être considéré comme particulièrement difficile à jouer, puisque de toute façon, ça met aussi ton personnage en avant par la même occasion, enfin mon personnage en Ouais, avant ouais. par la même occasion, Ouais, quoi. ouais. Là où jouer un majordome qui se montre particulièrement docile avec le seigneur, qui en a peur, qui va se plier en quatre pour lui, bah là c'est beaucoup plus comment, significatif. Ouais. Une fois qu'on a défini les termes, je propose ouais, d'expliquer comment se sont déroulés les ateliers. Ouais. Alors, Qui est-ce qui a animé l'atelier? c'était Glorante de tête. Ouais. Alors, on avait donc plusieurs petits exercices qui étaient chronométrés, ce qui était vachement bien pour l'atelier, pour le coup. J'ai pas pris de notes sur le coup, donc je vais pas pouvoir en faire une restitution archi précise. On Ouais. avait. On L'idée globale avait. qui nous intéresse. Ouais, on avait quelques personnages qui étaient utilisés dans plein de situations différentes. Alors il me semble justement que ces exercices provenaient d'ateliers de GN. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on. À la fin, on s'est fait la réflexion, mais c'est vrai qu'en jeu de rôle, on fait jamais d'atelier. Alors, pour une petite info, il y a notamment un article de Mathieu Bess qui est assez vieux, hein, mais qui propose plein d'ateliers en JTR. Il y a eu une petite mode à une époque où justement on a vu qu'ils s'en faisaient beaucoup en GN. Mais c'est vrai que ça reste une pratique assez marginale. Tout à fait. Ou alors des ateliers comme ce que tu as fait, c'est-à-dire déconnecter d'une véritable partie, quoi. Ça Ouais. existe un peu plus. Mais Oui, bah, c'est pas un échauffement pour la partie, quoi. je pense aussi que c'est dû au fait que, même si c'est pas une solution parfaite, évidemment, hein, mais je pense que c'est dû au fait que, en jeu de rôle, on va peut-être avoir plus l'envie de faire à la limite une scène de chauffe, mais qui vise aussi de scène d'introduction pour la partie elle-même. Oui, probablement. Et il y a clairement pas ce besoin qui est ressenti comme en GN de entre guillemets dès qu'en GN dès que ça commence, c'est censé commencer quoi. Enfin, tu passes dans le cercle magique et tac, il faut jouer quoi. Ouais. Dans la pratique, moi je trouve que c'est pas si vrai que ça. Sur les GN un peu longs, tu sens que la première heure. Les gens, ils sont pas forcément dans leur RP et tout, ça met un petit peu de temps à démarrer. Mais bon, on va dire c'est quand même beaucoup plus objectif en GN. En jeu de rôle, de toute façon, comme c'est assumé que là, c'est une pratique plus méta que GN, il y a vraiment cet objectif d'immersion, il est beaucoup moins fort. Cet objectif de jouer juste aussi est beaucoup moins fort. Donc ça explique hein, les différences. Donc ouais, on avait plusieurs personnages et l'atelier consistait principalement en une série de scènes avec des petites règles en fait. Alors les personnages étaient décrits de tête par des qualités. Le garde, il est fort pour intimider ou pour... Enfin, il est supposé être fort et du coup, c'est supposé être ce qu'on va mettre en avant chez lui. Par les interactions des autres personnages. Bon en combat, bon en intimidation, n'aime pas. Enfin, il y a ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Donc, il n'aimait pas les gobelins, il n'aimait pas. Il aimait. Je me souviens plus exactement de tout. Et ils avaient tous un petit secret. Il y avait le domestique, la domestique, les personnages étaient neutres, mais le domestique qui est passionné en secret de poésie. L'aubergiste qui est donc qui est qui a peur de décevoir sa clientèle. Je sais plus exactement ce qu'avait chaque personnage. Je vais essayer de retrouver le document. Tiens, je l'ai peut-être encore. Ouais, je l'ai encore. Bon, après, je sais pas dans quelle mesure on va fournir des liens et tout pour la web radio. Enfin, bon, déjà, moi je sais que les formats que je veux proposer, ça va être clairement de l'audio standalone, quoi. Pour des raisons de charge de travail, notamment. Mais en plus de ça, je pense que c'est assez compliqué pour de la web radio de fournir des liens pour chaque émission. Bon. Voilà, après. Après, ceci dit. Si, si, ça peut être intéressant que tu les mettes parce que ce que je ferai, c'est que. Ouais, non, c'est supprimé. Ah ouais. Il y a déjà plus. Bon. Si un jour, et je ne suis pas en train de te dire qu'il faut le faire, mais si un jour tu fais par exemple une restitution écrite, on pourra toujours la mettre dans l'article wiki nonobstant sur le Play to Lift. C'est une façon de centraliser des ressources. Il y a déjà des ressources sur cet article-là. Play to Lift sur Wiki nonobstant, il y a déjà pas mal de ressources. Et ça en fera juste une de plus, quoi. Et du coup, bon, alors dans ces petits exercices, il y en a un où il fallait où chacun donnait un mot. Et il fallait essayer de faire une petite scène d'improvisation en calant chacun des mots. Et puis après, ça se basait plus sur les interactions. Alors, on a fait du coup des scènes avec des instructions. On prend trois personnages. Et il y en a une, je me souviens d'un exercice par exemple, c'était il faut faire en sorte de mettre en évidence les liens de domination des personnages. Et comment on faisait ça? Alors l'instruction elle était simple, c'était A et B, enfin A demande à B, non, A demande à B. Donc, il y a trois personnages ABC qui sont dans une relation de hiérarchisation. Donc, ça va être seigneur, domestique et garde, par exemple. Donc, seigneur, garde, domestique. A demande à C un service et B se refuse à demander ce service à C. C'était assez intéressant. C'était assez difficile à jouer aussi. Ça permettait de vraiment devoir faire avancer le récit. Alors, à chaque fois, il y avait ce petit problème de... même si on a vite fait une esquisse de la situation, le premier à jouer est tout le temps dans une situation où il doit faire un petit peu de world building et de mise en situation, même si c'est extrêmement léger. Et donc, ça peut être assez intimidant. Un autre exercice qu'on a fait, c'était... Presque pareil, A, B, C sont donc A et B sont dans une relation de domination et C arrive et va remettre en question cette relation de hiérarchie. Ouais, domination, oui. Donc ça va être alors les exercices dont je me souviens, il y avait quelqu'un qui cherche à rentrer en ville, un marchand qui est un peu le garde veut pas qu'il rentre, et finalement il y a le prélat qui intervient et qui fait « Ah, c'est le fameux marchand, le riche marchand que nous attendions », et du coup ça remet un petit peu le garde à sa place. L'autre cas de figure qu'on a fait, c'était le barde qui vient de discuter des ragots avec une dame, et en fait, pendant la discussion, il s'avère que la servante a des dons de poétesse hors normes, et du coup, elle a aussi sa place au bal. Donc voilà, c'était assez intéressant. Hein ? Ah, merde ! J'ai coupé ? Ouais, tu peux répéter la phrase ? Ouais, je pense que ça a coupé, donc vaut mieux que tu répètes. Ouais. Donc ouais, un exercice, c'était un barde et une dame discutent. Et au cours de la discussion, la servante qui est là pour servir du vin s'avère avoir finalement un rôle plus important. Donc il s'avère qu'elle est une poétesse extrêmement douée. Ok. Enfin, on a fait des exercices de couper dans le gras un peu. Partant de là, on a c'était annexe au Play to Lift, mais c'était quand même pas mal en termes d'improvisation. puisqu'on avait des petites mises en situation et on devait faire d'abord cette situation en 2 minutes, puis en 1 minute, en 30 secondes et en 15 secondes. En 30 secondes, ça s'est avéré être le plus optimisé. Donc, la situation que j'ai jouée, c'était il y a le prélat et un garde qui discutent dans une auberge, tandis que l'aubergiste, lui, va se rendre compte que l'auberge est en feu. Les 2 premières minutes, c'est très long. La 2e minute, bah, on commence à avoir de plus en plus de scènes rapprochées. Et bon, après, quand c'était 15 secondes, on avait presque l'envie de prévoir ce qui va se dire, ce qui faisait que ça donnait un côté, un drôle de remix où tout se chevauche un petit peu. Et c'était le moins bon, quoi. Vous aviez un script à juste un script à lire ou c'était un puis il y avait un peu plus Non, c'était juste un de pitch. marge de manœuvre. Il y avait de la marge de manœuvre, c'était un pitch. En l'occurrence, c'est Ah l'auberge ouais, ok. brûle. Et il y a ces 3 personnages-là, quoi. Ouais. Je me permets là une petite réflexion, petite parenthèse. Hein. Ouais, de toute façon, j'ai pas Je... grand-chose. J'ai décrit à peu près tous les Ok. exercices qu'on a fait. Ouais, petite expérience sur le Blade to Lift. En fait, sur un GN, c'était invitation à la cour féerique. Donc, on avait une troupe de GNistes, artistes. C'est l'association. Ah, oh, c'est horrible, j'ai mangé leur nom, je vais plus me rappeler comment ils s'appellent. Oh, bon, je recherche en même temps. Et en fait, grosso modo, ces personnes-là, elles étaient une demi-douzaine de mémoire. Quand en fait, elles étaient là pour faire entre guillemets, du RP artistique, donc notamment chant, danse, des choses comme ça. Et aussi, une de leurs propositions, c'est qu'elles proposaient du play to lift, justement. Elles disaient, bah, en fait, si vous avez besoin qu'on lifte votre personnage, vous pouvez venir nous voir et on va vous lifter, quoi. Alors, d'un côté, la proposition est très très cool, et très très bienveillante, et très bien faite. Et donc notamment, je me rappelle que moi, je jouais une sorte de... Enfin, il y a un moment, en fait, je suis censé faire déclamer des légendes, tu vois. Et du coup, il y a une des joueuses de cette compagnie-là qui m'a écouté quoi, en faisant, waouh, c'est vraiment intéressant, tu vois. Enfin, elle l'a fait mieux que je te fais. Hein. Donc d'un côté, c'était vraiment cool. Et c'est vrai que tu as un effet qui est un peu prouvé, il me semble. C'est en fait en créativité, si quelqu'un t'encourage, enfin a l'air d'apprécier ce que tu fais, ça te rend plus créatif, créative. Ouais. Ça booste ta créativité. Donc en fait, le fait d'avoir des compliments, d'avoir, bon, tu vois, un minimum un petit peu de clap-clap, ça améliore ta prestation, réellement. Ouais. Ouais, et puis en plus, vu que c'est une forme de narration partagée, le jeu de rôle tout le temps, Ouais, ouais, et ouais. le GN, ça donne une validation dans l'univers, le fait que quelqu'un en tienne compte. Ouais, c'est ça. Et ça dit aussi que, en fait, le B.A.B.A. du play to live, le truc minimum, et qui est déjà très très efficace, c'est déjà un minima d'écouter, en fait. Ouais. De laisser l'autre, voilà, faire sa tirade, faire son RP, et puis de l'écouter vraiment, quoi. Enfin, voilà, Ouais. cette écoute active, là. C'est déjà une compétence précieuse. Après, par contre, du coup, le petit truc qui m'avait un petit peu gêné, tu vois, donc le petit détail qui va un peu minorer ça, c'est que bah, je savais que la joueuse faisait partie de cette compagnie et que elle s'était proposée parce que voilà, c'est le but de la compagnie de faire du play to lift. Et donc, bah, le truc, c'est que tu te poses la question de ouais, alors, à quel point c'est sincère en fait ce play to lift. En fait, elle le fait juste parce que c'était sa proposition. Ouais, et en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est de réussir à doser entre ça, c'est un truc qui se met en place, mais de réussir à mettre en place un play to lift qui soit un minimum sincère et spontané, et que ça se voit pas trop que bah, que tu fais un effort de play to lift. Alors, je vais donner un autre exemple. C'est une fois l'émission avait un dîner presque parfait. Ouais, désolé, on a les rêves qu'on mérite. En fait, il y a une dame qui elle passe en dernier, tu vois, de la semaine. Et puis pendant les 3 premiers jours de la semaine, elle dit à chaque fois, elle dit ah, vraiment c'était bon et tout, je me suis bien régalé. Enfin, elle fait beaucoup de compliments à l'hôte du jour, quoi. Et puis le 4e jour, elle leur avoue que, en fait, dans sa famille, c'est la tradition, tu vois, c'est tu dis toujours du bien. Quand t'es invité, tu dis toujours du bien, tu vois, il faut toujours complimenter l'autre et tout. Et du coup, bah, ils comprennent que ces compliments, ils étaient probablement Un peu un peu fake. juste du. Ouais, un peu hypocrite et tout. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, le 5e jour, quand c'est à son tour de les recevoir. Eh bien, tout le monde lui dit ah, c'était vraiment bien, qu'est-ce que je me régale et tout. Et puis, bah, tu vois, c'est un peu grinçant parce qu'on voit bien qu'ils le font un petit peu pour se moquer d'elle, quoi. Ou en tout cas, voilà, le roi est nu, quoi. Et donc, après, à quel point c'est pas de la. Enfin, si tu fais du play to lift sans le dire, à quel point c'est pas de la manipulation psychologique, je sais pas, mais bon, c'est juste qu'il faut pas être non plus. Entre guillemets, dans la bienveillance performative. Oui. Là, Ouais, tu disais que c'est c'était... un dosage hyper dur, quoi. Hein. Tu disais que c'était des danseurs? C'est des GNistes, danseuses, artistes, ouais. Après, D'accord. à la limite, le principal intérêt de leur troupe, c'est de sensibiliser au play to lift. Mais parce que... Et du coup, tu vas les voir faire, tu dis, bon, c'est un peu awkward parce que tu sais qu'elles sont là pour ça. Mais entre autres, hein. Mais en même temps, parce que elles font aussi des performances pour le coup artistique notamment. Mais quand par exemple elles font un RP pour t'écouter et puis dire ah vraiment c'est trop bien, ton perso est trop bien, enfin tu vois, bah, en RP hein, bien Pas sûr. forcément sur quel pied danser, quoi. Tu dis bon bah c'est un peu fabriqué mais au moins tu vois c'est quoi en fait lifter quoi donc c'est plus l'intérêt de leur démarche c'est plus je pense d'apprendre à lifter et après c'est un truc que tu dois mettre en place mais de façon un peu discrète et vaut mieux pas trop que tu annonces ah oui vous avez vu comment je vous ai bien lifté là comment j'ai bien bah, c'est un peu enfin tu vois bah, c'est de l'ingénierie sociale hein, de ce que je dis mais. Je m'avance peut-être un peu parce que j'étais pas là du tout hein, à la cour féerique, mais ça pouvait pas comment le fait qu'il y ait des gens qui dansent vraiment vraiment bien, est-ce que ça pouvait pas donner un petit décalage avec ce play to lift parce que du coup il y a des gens qui vont vraiment vraiment danser et d'autres qui jouent des personnages qui vont danser mais qui vont pas Ouais, vraiment vraiment le ouais, faire, tu vois ce que je ouais. veux dire? Est-ce qu'il y avait pas ce décalage? Si, il est forcément présent. Il est pas Après, forcément là, ouais, malveillant, là, hein, je dis pas ça, mais... ouais. Bon, entre guillemets, après, voilà, autre référence qu'on mérite, un peu nulle, mais c'est un truc que j'ai appris en regardant Danse avec les stars. Oh là là, les refs, je suis vraiment un génie. Mais en fait, c'est un truc qui est marrant dans Danse avec les stars, c'est que t'as une star, mais en fait, quelqu'un qui est pas formé à la danse, qui est pas très bon hein, pour danser et tout, qui va danser avec une autre personne qui est une danseuse professionnelle. Mais en fait, une danseuse ou un danseur professionnel, il va avoir beaucoup plus de technicité que toi, mais s'il fait bien son truc, il va donner l'impression que tu gères. Ok. Ah, c'est intéressant ça. Tu Oui, vois, il va te guider. il va te guider, tout ça. Bon, si on analyse bien l'image, on se rend bien compte qu'il y en a un qui est plus technique que l'autre et qui fait les mouvements les plus compliqués, quoi. Mais néanmoins, l'idée, c'est qu'on voyait dans leur chorégraphie que le danseur professionnel, il n'était pas là forcément pour se mettre en valeur, mais pour pousser, pour mettre en valeur son partenaire qui pourtant dansait bien moins que lui, quoi. Donc en le guidant, effectivement. Ok. Et donc ça, je pense que c'est un truc que tu peux avoir en danse RP, quoi. Et puis, dans un GN, il y a plusieurs moments, quoi. Il y a des danses collectives où là, du coup, les danseuses professionnelles, eh ben, elles vont un petit peu, effectivement, mettre en valeur leur partenaire. Des fois, leur rôle, ça va plutôt être justement organiser un bal, tu vois, et un petit peu faire, enfin, entre guillemets, faire les couples ou lancer les mouvements, dire bon, maintenant change de partenaire, tout ça, donc chorégraphier la danse globale. Ouais. Et puis, bah, il y a des moments où, en fait, elles te font littéralement une prestation. Enfin, une prestation, c'est horrible d'employer des termes. Elles te font une performance, ouais, plutôt, c'est plus ça que je veux dire. Donc, il y a des moments où, en fait, on les regarde, et puis c'est elles qui font le show, quoi. Et là, on est juste à les Oui. regarder, quoi. Et pour le coup, c'est nous qui devons les lifter. Ouais. Et puis, il y a des moments, dans un autre GN, le GN Rêve de Dragon, je sais plus le nom du GN exact, ça s'appelait pas Rêve de Dragon, mais c'était sur Rêve de Dragon. Et ben, il y a eu un moment vraiment cool où, bah, en fait, littéralement, les géanistes danseuses, bah, nous ont appris des danses, quoi, des petites danses de groupe et tout. Et donc, nous apprenaient les mouvements, tout ça. Et là, c'était vraiment très très chouette. En plus, tu vois, moi, par exemple, je suis quand même très très awkward à danser. Je suis quelqu'un qui sait pas trop faire quoi de son corps. Mais en fait, là, comme c'était quand même dans le RP et tout. Comme c'était pour le GN, je me suis laissé entraîner. D'habitude, tu vois, on est sur un fest-noz, un truc non immersif, non narratif. Ouais. Si quelqu'un dit, allez, viens, je vais te montrer une danse et tout, jamais j'y vais, quoi. Ouais, Et OK. là, bah, comme c'était narratif, je dis, mon perso accepterait, eh ben tu y vas et tu te laisses emporter, ça c'est vraiment cool, quoi. OK. Bah ouais, j'avais un truc à dire, mais je sais plus ce que c'est. J'ai tendance à oublier des trucs. Oui, c'était par rapport au play to lift aussi. Je pense c'est un peu, c'est à la fois du play to lift et du play to lose. C'est jouer la personne qui se fait engueuler, mais au sens large. Hein, c'est quand ton personnage a fait une connerie. Alors ça, c'est vrai, c'est très très vrai en GN, je trouve. Bah, il faut aussi savoir se laisser engueuler. C'est pas toujours facile. Mais c'est super important en fait pour que des personnages qui ont un rôle hiérarchique n'aient pas l'impression que tout le monde n'en fasse qu'à sa tête et que tout le monde soit un peu défiant à leur égard alors que ça a été, enfin, leur rôle hiérarchique a été finalement établi en pré-jeu et que tout le monde est censé plus ou moins y souscrire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se rebeller face à une hiérarchie, ça veut juste dire que il faut pas le faire tout le temps, constamment Bah et ouais. sans limite, quoi. Bah, surtout en GN, t'as un peu le problème. J'en parle dans un article qui s'appelle La création de l'aura. T'as un peu le problème que quand t'as une personne en fait qui IRL fait pas partie des dominants et qui se retrouve à jouer une personne dominante dans un GN, eh bien, si les gens ils jouent trop au premier degré, ils vont pas la respecter, tu vois. Bah bon, je suis désolé, hein, mais typiquement. Si on décide que le chef des Vikings, c'est pas un chef, mais une chef, et donc c'est pas que c'est une nana qui joue la chef des Vikings, et ben en fait, les rôlistes mecs en face, qui jouent premier degré, c'est-à-dire, en fait, je décide d'être soumis seulement si et seulement si je valide la performance de celle qui joue la chef. Eh bien, en fait, on se rend compte que dans les pratiques, ils vont juste reproduire leurs préjugés de la vraie vie. Et ils vont dire, ah oui, bah, en fait, c'est une femme, je lui obéis pas, quoi. Et du coup, tu as des situations, hein, très, très étranges où, dans ton BG, c'est quand même mis que tu es quand même censé suivre la chef Valkyrie, tout ça. Et puis, dans le RP, bah, en fait, tu l'envoies chier parce que tu la respectes pas. Et Et donc, alors que bah, le play to lift, justement, c'est dire, c'est aussi le truc de bah, reste dans le personnage, quoi. Sur ta feuille de perso, c'est marqué que c'est ta chef et tout. Et bah, Oui, voilà, alors qu'en plus, joue le, comment on appelle ça, l'inférieur, quoi. Enfin, c'est pas le terme que je voulais, mais. Ouais, enfin, c'est joue l'humilité, quoi. Ouais, C'est joue c'est pas ça. le personnage Et principal. c'est. Et en fait, ça devrait être la base de dire ce que ça veut dire être RP, quoi. Hein. En fait, en vrai, hein, des fois, le jouer au service, c'est juste ça. C'est se rappeler, bah, soit RP, ne calque pas tes préjugés de la vraie vie sur la situation. D'autant plus que c'est un peu ce que tu disais, c'est enfin plus il y a de personnes à faire semblant que cette personne Bah oui. est dans une position de d'ascendance, Ouais. plus les autres vont être tendance de suivre le mouvement et de donner effectivement une crédibilité à cette situation. Enfin, une crédibilité, une vraisemblance. Et du coup, Ouais, même c'est si ça. sur quatre personnages, il y en a trois qui auraient tendance à peut-être hausser le ton face à leur chef, bah, le fait qu'il y en ait déjà trois qui ne le fassent pas, bah, le quatrième, il se retrouvera en infériorité de nombre, quoi. Mais ça veut aussi dire que le play to lift, bon, ça peut et ça devrait être une démarche qui vienne des joueurs, mais ça peut aussi être une démarche qui vient de l'écriture de personnages, quoi, de l'écriture de BG, quoi. Donc si toute la troupe de la Valkyrie, eh bien c'est écrit sur leur BG, la Valkyrie elle rigole zéro et tout, vous la craignez et tout, voici ce qui est arrivé à ceux qui se sont rebellés, eh ben ça va être beaucoup plus facile de jouer l'humilité, quoi. Bon, Tout à fait. on va conclure là-dessus. Ouais. Merci beaucoup. Bah C'était merci à super toi. intéressant. Et ciao. Salut. Thank you.